L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Atlas des habitants et images lumineuses. Le souvenir, la trace, la transmission, voilà des enjeux essentiels du chantier 2014-2018 de François Véret, artiste en résidence à l'apostrophe. Espace d'hospitalité et de gratuité, les chantiers offrent du temps de partage sensible. Le chantier des habitants s'est formé autour d'une idée, constituer un atlas de 1000 images du XXe siècle. L'atlas, c'est un rêve, dit François Véret. L'objet tangible à fabriquer, ce petit livre à donner autour de soi, est prétexte à mettre la pensée en mouvement, ensemble, autour des images sombres et lumineuses qui hantent le XXe siècle. Voici quelques échanges enregistrés dans des conditions techniques qui n'étaient pas idéales, mais d'avance, merci pour votre indulgence. Qu'est-ce qui fonde cette violence? Qu'est-ce qui fonde l'image? Quelle est la destination de ces images? Nous, on a plusieurs questions à se poser. C'est-à-dire, si vous dites celles-là, on les nomme comme des images de notre atlas. On va dire quel est l'enjeu du rapport des mots à ces images? Quelles questions? On avait évoqué ça. On avait dit quelles questions on se pose, quoi. Ben moi, c'est ça, c'est le rapport des femmes à la violence. C'est surtout ça, du rapport des femmes à la violence. C'est ce que... Vous êtes sûr que c'est ça qui se pose? Moi, personnellement, c'est ce qui m'interpelle le plus, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'image toute seule, comme celle-là, sans aucun mot? Quel cas, moi, je ne lis pas grand-chose. Ben là, on voit juste une femme qui interpelle la foule, justement, quand j'ai revu la photo. Et c'est ce que je me disais, on ne fait rien encore contre la faim dans le monde. Et puis alors... Je regardais, mais ça a toujours été, hein, les famines, hein, il y en a toujours eu. Et une autre, j'espère que je l'ai. Expliquez un peu pourquoi, on parle même des éléments qui m'intéressent, et après on débat dessus, puis à un moment donné, on saura si on a effectivement suffisamment de matière ou si on a envie de la garder ou pas, quoi. Il faut les passer une par une. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que si c'est illustré, c'est soit plus grand dans l'image, c'est juste pour nommer telle image. Si elle est là, c'est-à-dire... Si on fait un petit recueil, c'est ce format-là, A4 par exemple, d'accord? Donc, c'est pas forcément besoin de passer par là pour dire le rapport à l'immensité de la page blanche. Il faut dire s'il y en a 30, ou, je ne sais pas, 50, je ne sais pas, il faut peut-être que je me décide, qu'on se décide en disant 50 pages. Comment ça se passe sur le fait que les images, l'envoûtement par Internet, sans mise en garde, c'est un des éléments qui contribuent, c'est les images. Les images qui participent à ce qu'ils appellent en d'autres moments un peu d'endoctrinement ou de séduire d'avoir une espèce de raccourci, tu vois. Donc, soudain, on ravive qu'il pourrait y avoir intéressant que dès le primaire et dans le secondaire, il y ait une manière d'appréhender l'image en s'interrogeant sur qu'est-ce qu'elle dit, qui la montre, est-ce qu'elle est vraie, fausse. Tu vois ce que je veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que moi, c'est beaucoup un trouble devant l'image, si vous voulez, que je ressens devant ce qui s'est passé. C'est-à-dire, plutôt que dire, est-ce qu'il faut m'en choisir une, je peux exprimer toutes les complexités et contradictions que je ressens devant cette question de quelle image et jusqu'où il faut qu'elle y soit au nom, par exemple, d'une liberté d'expression inconditionnelle, sans limite. Mais en fait, de tout ça, c'est pas pour parler, moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, si vous voulez. C'est-à-dire, encore une fois, si on revient à l'endroit où il y a un atlas qui a un objet commun, a priori, parce que c'est pas un atlas individuel, c'est pas mon atlas, c'est un atlas que je projette. C'est un atlas collectif, ouais, d'un groupe, voilà. À ce moment-là, ce que je dis, c'est que la responsabilité de chacun, à mon avis, consiste à amener quelques images, pas une infinité d'images, pas toutes, mais de les amener effectivement. C'est-à-dire, dans un format, pour reprendre ce que vous faites ce matin, tout à l'heure, dans un format que vous choisissez, c'est-à-dire si c'est miniature, c'est miniature, si c'est grandi, c'est grandi. Vous voyez ce que je veux dire? Avec une mise en scène minimale de ça, c'est-à-dire que c'est sur une page blanche, c'est sur une page noire, c'est y a des mots qui entourent. Après, ouais, il y a forcément le dialogue. Et à la fin, ça a cristallisé dans une forme. Il y a un objet. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, ce process, et puis qu'il y a finalement un objet, un petit objet. Et là, toutes les images ont été amenées par quelqu'un ici? Non, justement, je pense qu'il faut être vachement plus méthodique maintenant. C'est-à-dire que il faut que d'abord chacun retrouve s'il a amené les images qu'il a amenées, d'accord? Que chacun reparte de ses images, que ça fait, que peut-être derrière il les mêle, que c'est ses initiales, j'en sais rien, il trouve, tu vois, et un sigle. Juste une question, dans toutes les images amenées, vous aviez déjà fait un tri ou là t'as vraiment... Non, moi j'ai rien trié, personne n'a fait de tri. Et c'était le premier jet. C'était le premier jet, tout le monde a amené quelque chose et c'est bon, il est encore le tri. D'accord, donc je pose la question. Mais aussi être un peu ludique avec la matière, ça suppose effectivement que chacun il ait la même jeu d'image. On est en train de le constituer, sauf qu'on ne sait plus qui a donné celle-là. Oh, voilà, donc tu la reprends. Non, mais je veux dire, pour savoir, si tu nous ramènes les 10, si tu nous ramènes une de celles-là, enfin celle-ci en est une, des 10, est-ce qu'elle est comme ça? À partir du moment où tu as choisi qu'elle était que comme ça, c'est-à-dire sans autre mot, toute seule, ou avant, après, il faut que chacun l'ait, pour qu'il y ait l'écho en toi de ça, jusqu'où ça te parle, jusqu'où tu n'as rien à dire là-dessus, jusqu'où tu poses une question. Par exemple, qu'est-ce que ça représente? Ou pourquoi? Ça fait signe de quoi? Pourquoi cette image, tu l'as choisie? Donc, tu vois, moi, j'aurais pas honte de lui demander si ça me touche pas, si je comprends pas.